Et tout niqué, c'est nos objectifs. On était 11 au début, croyait qu'on était 32. 5h de l'après-midi, là j'arrive sur Lyon, mission eux font. Après je pète un gros joint de bœuf. Tous les navires sont à la flotte, demain s'il y a des vagues, je pourrais nager comme 42. Je fais du son pour pas être en quarantaine plus tard, je veux pas finir avec 40 vues. Je croyais que t'étais fort à l'éternel, au final t'es démodé comme un pull suprême. Je rock toujours Mardi la Lancaster et mon visage, c'est pour ça que les petits putes viennent. Je connais pas le monde de la richesse, il y en a beaucoup donné pour en faire partie. Faut qu'une noix qui rend fou comme si je t'appelle la séchée, que beaucoup de fake rêvent de nous voir partir. Trouve-nous après minuit quand gars pourra mixer la tape. L'urgence c'est pas eux shoot comme la première fois que t'allumais la play. Trouve-nous après minuit quand gars pourra mixer la tape. L'urgence c'est pas eux shoot comme la première fois que t'allumais la play. Sans faire, oh oui, je les sens faire comme nous, yeah. Baby, je suis serein quand j'ai de la fume, quand j'ai du blé, quand c'est le payday. Yeah, je vous vois comme des PD, aidez-moi surtout pas, j'aime quand mon shit est gras. 808 Fukushima, yeah. Ces connards couillent comme des chiennes, méga bouffe pas de gaz comme Shell. Yeah, tout le monde sait que je suis un citizen, je n'ai avec ça dans les gènes. Y'a que la bête qui me rend zen, vois beaucoup ça tient dans le ciel. Y'en a beaucoup qui veulent être ma femme, je peux les voir que comme des chiennes. La vertu tombée sous son charme, le papy de boucher est attaché à une chaîne. Négro, on fait pas le même taf, toi t'es attaché à une chaise. Laisse-toi faire, fils de pute, laisse-moi faire, je suis fier de mon truc. Y'a fallu pas, pas de luc, ici trop pipe, j'ai pas de cul. Sans faire, oh oui je les sens faire, je les sens faire comme nous. Pas de rechange dans mon sac élevé. Du sérieux, c'est pas ça qu'elle veut, la folle. Dans sa bouche, le machin, elle met sans les dents, c'est solo dans son pieu. Dans sa, le machin, elle prend tant que c'est bien fait, bah la vie c'est mieux. Afin de Gudro, dis-moi qu'est-ce t'as gros. Qu'est-ce t'as gros, parle dans mon dos, mais tout arrive, finiront bien par la mort. Même un rouge dans les fouilles, t'as pas, mais qui voit ça, allo, qu'est-ce t'as gars, tu le savais pas, mais pour info, la vie de moi, elle encaisse ta go. Vide-moi, elle encaisse ta go. Elle vient pour prendre son pied, repart en prenant le taco. Vide-moi, elle encaisse ta go. Elle vient pour prendre son pied, repart en prenant le taco. Je sens faire comme nous, je sens faire. Sans faire, oh oui je le sens faire.